Alors, nous venons d'entendre « La fille que je me souvienne », sublime chanson, incroyable. Album à se procurer en passant, hein. « La fille tout attachée », là, c'est tout à fait attachant. Ensuite, Tony Truant, « Tout égaux devant l'haricot », ça aussi, se mérite une place prépondérante à l'errance rénaldienne. C'est pour ça que l'on se vante. On s'anime et on se dit que tout ça doit exister maintenant, à l'heure où on se parle. À quelle heure on se parle, là? On se parle. Il est une heure dépassée trop. Trop de quoi? Trop de nuit. Mais les minutes suivent plus, là. Après une heure, là, c'est tout déjanté. Des gens. Ben, il y a des gens, là, qui ne sont plus hantés, qui sont trop hantés, plus trop hantés. Hantés par qui? Par les anges. Et puis, c'était Axel Lafond avec la chenille. C'est la chenille qui nous parle. Le cabinet d'errance. Oui. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. En fait, il y a plusieurs nouveaux, hein. Mais moi, il y a trop de nouveaux, là. Je ne sais plus à quelle babine me babiner. Arrêtez de vous babiner. Monsieur, moi, je m'appelle René Babine. René Babine. Je me rebabine régulièrement la babine depuis déjà 23 ans. Oh, alors c'est une prouesse. Prouesse vertigineuse. Alors, un nouveau numéro, et puis quoi? Ben, il faut m'écouter lorsque je vous dis qu'il faut le voir. OK. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant sur nous, hein, sur vous, sur nous, sur toi, sur moi et toi. Oreille attentive, qui s'active à comprendre le sens de l'amour. Le sens, là, c'est à gauche ou à droite? On ne le sait pas. On cherche depuis tant de temps. Alors, c'est grâce à ce nouveau cabinet que nous allons... Oui. Le sens, là, c'est oui. À gauche ou à droite? On ne sait pas. Un nouveau numéro d'improvisation s'ouvre à l'instant. Nous... Le cabinet d'errance. Sur un souffle, une phrase, voire même... Oui. Sens, là, c'est oui. À gauche ou à droite? On ne sait pas, monsieur, si c'est à gauche ou à droite. Si c'est à gauche ou à droite, peut-on emprunter tous les atouts? Oui. On sait. Oui, peut-être. Alors, un adage débutera, une étrange structure narrative naîtra. Allumons-nous cette semaine avec un slogan... Si c'est à gauche oui. Ou à droite, peut-on oui. Emprunter tous les atouts? Attends, on n'a rien compris, monsieur. Là. Si c'est à gauche ou à droite, oui. Peut-on emprunter tous les atouts? Mais tous les atouts vous réclameront un toutou. Alors, ne tournez pas à droite, à gauche, allez tout droit. Si les policiers vous suivent par derrière, freinez! Vous sentirez un suppositoire pénétré avec des lumières, des gyrophares, et vous vous direz, ah, c'est l'errance rénaldienne qui m'a clairsemé! Oui, sans doute. Alors donc, on doit revenir sur notre truc. Allumons-nous cette semaine avec ce slogan rénaldien qui dit « Sous les ruisseaux se trouvent les retrouvailles ». Ben oui, les retrouvailles de démence. Plus on devient dément, plus on cherche à trouver son sentier développé depuis tant d'années. Puis qu'est-ce qu'on trouve? Rien. Pourquoi? Rien. Qu'est-ce qui nous arrive à la mémoire? Rien. Pourquoi? Rien. Dis-moi, là, toi, premièrement, t'étais chevronné, toi. Dis-moi, lorsque je veux avoir une idée intelligente, comment ça peut arriver? Comment? L'étincelle, est-ce qu'il y a une étincelle dans mon génie? Rien. Il y a... Rien. Bon. Et dans les... Rien. Y a-t-il des arbres? Rien. Ouais, ben, sans doute, là, mais j'ai tremblé. Et moi, j'ai fait des recherches sur les ovnis, objets non identifiés. On identifie des ovnis régulièrement, nous autres ici. On n'est pas des chercheurs, mais on est des trouveurs. On trouve des choses que personne ne veut parler, là. On sait pas pourquoi. Hier au soir, pas à Saint-Dilon, mais à Québec, il y a une soucoupe. Un monsieur, un gars qui avait pris un peu trop de pelule. De quoi? De pelule. Il pullulait. Mon pays, ce n'est pas un pays. C'est l'hiver. Mon hiver, ce n'est pas un hiver. C'est la mer. Et ma mère, ce n'est pas ma mère. C'est mon père. Hey, monsieur, mon père. Mon père, priez pour nous. Oui, j'ai péché, j'ai rencontré ce petit enfant et un jour, je lui ai levé sa petite couche charmante. Qu'est-ce que vous avez fait? Je lui ai changé sa couche. Et ensuite? Ben, sa couche. Quelle couche? Ben, la couche de la société qui ne cherche que du puritanisme. Je ne suis qu'un curé. Et un curé, ce n'est pas un curé, c'est l'enfant qui naît, d'un enfant qui naît. C'est doux. Merci. Merci. Le soleil de mes nuits, ma merveilleuse cellule, et sur la plage de mon amour, son visage me sourit pour toujours. Alors qu'importe si le vent ramène ses nuages de temps en temps, un peu de pluie, c'est de l'amour aussi. Je n'ai plus peur des éclairs. Sur le sable, tu grilles ma peau, fume mes lèvres. Sous tes rayons monte une fièvre. Je suis malade, tu me guéris. Docteur, c'est grave, je suis transi. J'ai trouvé la lumière qui fait pousser les rêves, qui se vivent à deux des rêves d'amour. Le plus beau des voyages, les plus beaux paysages. À nous. Quand tout autour est grand, les volcaniques montent. Pour le faire taire, je pense à nous. Parler l'anglais.

KRL, cultive tes goûts. Eh oui, avec Babette, la belle Babette. Vous connaissez Babette? Babette, elle se rebelle, la Babette, tous les soirs. Babette, on la connaît, car elle cherche que le noir. Babette, Babette, c'est la souris qui guette. Le rat d'infortune qui la mangera. Enfin, elle se croit. Infiniment coupable. Tout en une, la Babette. Non, mais moi, c'était la Babette. La Babette, la Babette, la Babette, la Babette, la Babette, Babette, Babette, Babette, Babette. Est-ce qu'il y a de la Babette ce soir? Premièrement, le monsieur Tremblay, cherchez la volupté, OK, ici, OK, on a deux, OK, monsieur Tremblay, oh, mais il n'y a pas d'écho là, on cherche l'écho, section, OK, il y a là, monsieur Tremblay, y a-t-il de la bébête dans votre société? Ben, moi, hier au soir, arrêtez de dire hier au soir, non mais hier au soir, on a cherché la bébête. Puis, qu'est-ce que vous avez trouvé? On a tout vu, sauf la bébête. Ah, mais voyons donc, vous étiez couché sur la bébête. Oh, la bébête vous couche? Non, moi, je me couche sur la bébête. Et puis la bébête? Ah, la bébête, elle est si belle, la bébête, elle est si tendre, la bébête. Est-ce que je peux la chanter? Non, on n'a pas le temps. On n'a jamais le temps à votre émission, Monsieur Grenier. Oh non, faut pas avoir le temps. Mais le temps, non, on n'a pas le temps. Arrêtez le temps. Non, on peut pas le couper le temps. Il est quelle heure, là? Monsieur, il est 1 heure. Presque 20-quelques. Puis on veut pas l'accrocher puisqu'on va devenir à la recherche de d'autres minutes. De d'autres. de dos, de face, de dos, de face. Alors, on a attendu Babette avec « Je pense à nous ». Je pense à nous. Et vous? Ah non, ça c'est Babette, c'est juste « Je pense à nous ». Et puis, Anne-Sophie Charon, la belle. Et puis, Bosch avec Albaretz. Ça, c'est de l'allemand, hein? Oui, alors il fallait dire Albaretz. OK. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure. Repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré. Replaçons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Et lorsqu'on, comme tu disais, on revisite. Mais moi, j'ai dit un revisiste. Fâche-toi pas, le revisiste. Oui, mais c'était Jimi Hendrix, là. Hey, Jimi Hendrix. Tout le monde l'acclamait dans les années 70. Il disait, c'est Jimi Hendrix, États-Unis d'Amérique. Non, French. Ben non, c'était un Québécois. Il s'appelait Jean Michaud. Jean Michaud qui grattait la guitare. Fring, fring, c'est moi la mer qui a cherché l'homme. C'est moi l'homme qui a cherché la mer. Fring, fring. Puis à un moment donné, là, sa mère lui a dit, lave-toi les cheveux pour une fois dans ta vie. Oui. Lave-toi ça, cette crinière-là. Il a écouté sa mère, il s'est lavé le cuir chevelu, et plus cuir que cela, il n'y avait pas Jimi Hendrix qui existerait. Comment ça? Ben, il avait une abondance capillaire qui le faisait ressembler au grand monstre de Einstein. Avant ça, là, sa mère l'a convaincu. Alors, il s'est lavé la touffe, la grosse touffe velue. Sa mère, en avait-elle? En avait-elle quoi? En avait-elle une grosse touffe? Là, on parle là, de Jean Michaud, qui s'est lavé les cheveux. Pour une des premières fois, seul dans sa vie. Oui, mais sa mère, elle avait une grosse touffe. Jean Michaud. Sa mère. Jean Michaud. Sa mère. Jean Michaud. Alors là, il s'est lavé tout ça, puis ça est devenu frisé, puis tranquillement, sa peau s'est enfoncée dans quelque chose d'exceptionnel. La guitare lui a poussé dans le corps, puis quelque chose a fait fring, fring, fring, fring, fring. C'est pas une guitare, ça. Ça, c'est une ça, c'est une recherche de sonorité. Ben non, c'est une chanson de Jimi Hendrix. Ben voyons donc! Jimi Hendrix venait de Montréal. Puis là, quand sa mère lui a dit « Lave-toi les cheveux », il a jamais voulu. Il s'est propulsé rapidement dans les États-Unis. Puis il se s'est vu. Ça se dit pas « il se s'est vu ». Mais il s'est vu. Il s'est vu. Il se s'est pas vu. Il se s'est pas vu, il s'est vu. Pourquoi tu lui... Premièrement, là, pourquoi t'as dit « il se s'est vu » Mais j'étais mêlé, je l'ai vu là maintenant. Avec son regard? Son regard. Son regard absente? Absent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Jimmy? Ah! Ça ne va pas très bien là-bas, hein? Avec la guitare que tu essayes de jacouiller depuis tant de temps. Ring, ring, ring. Jimmy! Chante-moi Hendrix! Hey Joe, dis-moi Joe, sors-moi tes Joe, je veux tes Joe, oh Joe. Jamie, arrête de ukulélé la mélopée que tout le monde veut entendre dans notre société. Jamie, tu n'es pas comme tout le monde. Joe, Joe, montre-moi tes Joe, je veux tes Joe.

Un membre. L'épaule. L'épaule, pourquoi? C'est là où on se repose. Oh oui, nous avions une émission au Québec qui s'appelait Fanfan Dédé avec une marionnette et un humain, une petite marionnette, et la marionnette allait se coucher sur l'épaule. De... Voilà. Ah, c'est... Et puis parce que c'est érotique, je trouve, cet endroit. L'épaule? Ah, ok. J'aime bien. Ok. Imperial armpit, sweating Chianti. I'm a toilet with no seat, flushing tradition down. I'm socialist lingerie, I'm diplomatic techno. I'm gay pastry and racist cappuccino. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a painting made of hair on a nudist beach eating McDonald's. I'm a novel far too long. I'm a sentimental song. I'm a yellow tooth waltzing with wraparound shades on. Who am I? I am Europe. CKRL. Cultive tes goûts. Elle cultive aussi les rentes rénaldiennes, hein. Je peux pas vous nommer les chanteurs et les chanteuses, et puis on veut avoir de l'écho. On peut-tu en avoir de l'écho? Raymond Bécaud? Non, c'est Gilbert. Gilbert Bécaud? Gilbert. On cherche Gilbert, mais on ne le trouve pas. Gilbert Bécaud? Gilbert. OK, Gilbert, on l'a trouvé. Alors, la seule émission où l'animateur se veut sous la supervision du docteur Mabuse. Je sais qu'il y a des gens qui voudraient savoir ce qu'ils ont entendu depuis quelques minutes. Je sais. Alors écrivez-moi à Rénal de Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercialhotmail.com. Rénal Québec. Comment que ça s'écrit? Ben, on vous l'a dit. Comment? J'ai pas de crayon, moi, là. Je suis pas un lettré. Je suis un mal lettré. On appelle ça un illettré. Un illettré. Je suis en Égypte. En Égypte. Sous le Nil. Un Nil. Je suis sous le Nil. Je suis un illettré. Oh! Vous êtes cultivé. Je suis un illettré cultivé. Et vous, monsieur Gagné? Moi, je suis un crétin. Un crétin. Un crétin qui crête sous la soupe. Sous la soupe? Sous la soupe à l'oignon. Hey, Rénal Gagné, Rénal Crudité, comment on écrit ça, là? Hey, si on veut écrire... Écrivez pas. Prenez votre clavier. Oui. Vous avez un clavier devant vous? Ben, Gertrude, ramène-moi le clavier. Elle aime ça, le laver sous la vaisselle. Elle prend la guenille, elle achemine la guenille dans l'eau, dans la guenille. Premièrement, un clavier, ça se plonge pas dans l'eau. Elle le plonge et il renaît. Il renaît. Comme René. René. Jean René. René. OK. Le clavier. Où est-il, le clavier? Il est ici. Alors, vous rentrez, est-ce que vous pouvez pénétrer, premièrement, là, pouvez-vous pénétrer? Pénétrer dans qui? Dans quoi? Dans le clavier. Ouais, c'est spongieux, hein? Alors, vous faites R-A-Y. Ensuite, R-A-Y-N-O-L-D. Québec. Q-U-E-B-E-C. Q-U-E-B-E-C. A commercial, Hotmail, H-O-E-T-M-I-L. .com. Écrivez-moi. Et puis maintenant, à partir d'une phrase d'une chanson populaire, nous improviserons un bouquet et certainement un mot. Plus un mot qu'un bouquet. Oui. Comme cela, sur le souffle, et nous vous... Hein, comment ça? Qu'est-ce que tu dis là? Ben là, Gertrude est passée devant le sifflet. Comment tu peux suivre le sifflet quand le sifflet passe dessus? Et monsieur, il y a les souffles là-dessus. Oui. J'ai dit, à partir d'une phrase, d'une chanson populaire, nous improviserons un bouquet de mots. Comme cela, sur le souffle et sous vos oreilles. Ça va bien. Aujourd'hui, cueillons ce début de phrase extrait d'une mélopée bien appréciée par la majorité. Ben oui, c'est Renaud Séché. Alors, Renaud, avec Mon HLM, il dit dans sa chanson, puis il y a aussi dans Mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loubard et un flic qui se baladent en survêtement. Mais ça, c'est très compliqué, là. Dans un même établissement, sur un même étage, il y a un romantique, un combattant, un flic, puis un genre de mec qui se bête en... Sans doute. C'est une bête, puisqu'il se revêt en sous-vêtements. Qu'est-ce qu'il veut cacher devant toutes ces personnes? Hein, ce doux romantique qui prépare sans doute le repas pour son halluciné. Hein? Sa belle de nuit. Comment elle s'appelle? Ben écoute, elle a plusieurs noms, mais la mienne préférée, là, hein, c'est Zabé. Oh, la Zabé, la Zabé, la Zabé qui zappe tout. Oh, qui zappe, elle zappe mon mou. Elle zappe ton mou, oui. Et puis, il y a un romantique. Le romantique, c'est qui? C'est... Oh, je suis tant de charme. Je vous désarme. Moi qui suis un romantique. Holio, le dégueulasse. Comment ça, le dégueulasse? Ben oui, parce que c'est pas lui. C'est un romantique qui se fait passer pour l'autre, là. Puis il y a un ancien combattant. Et moi, là, à soir, là, je tiens à dire que j'ai combattu contre la... La syphilis! La syphilis Colin! Qui m'a attaqué un soir lorsque je l'attendais pas. Il y avait Rita la belle et là la galbo. J'ai dit, est-ce que je deviens beau ou je deviens garlot? Et il me suis dit, attrapons la syphilis! C'est fini! La syphilis! Car avec des molles de malice! Je vais plus vivre ça, moi. Ça fait mal, la syphilis. Lorsqu'elle s'enlise dans les prémices de l'introduction singulière qui me compose comme moi, être humain, je crois que la syphilis n'est pas un vice, elle est une composition machiavélique de la vie. Excuse-moi, monsieur le prébubère, monsieur le curé, madame Trabudère, madame Romain. Mais la syphilis ne peut pas vivre ici en société, il faut l'exclure. Comment faire un arrêt provisoire sur quelque chose qui est très dérisoire? Monsieur Tremblay, madame la journée, la syphilis, je tiens à vous dire que ce soir, la chambre de la meuse. Comprends pas, mais captez le son, vous avez pas les moyens financiers. Captez le son, mais je cherche l'exclusion à tout prix. Madame la syphilis, je m'en colle de votre douce. S'il vous plaît, cherchez la douce ciné. Cherche. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Sur un petit violon et pour quelques spectateurs. Ma che va fatto de male sta povera creatura? Ma che va fatto de male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portai iettatura? Ma che ci avete da ridere, portai iettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Voi non comprendete, si voi ne comprenez pas. Si voi non comprendete, si voi ne comprenez pas.

rouler un gros pétard. On va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, est trop tard. On peut être copains si tu veux. Pis ça, je le sais, ça va me faire chier. C'est rien que copain, j'aime mieux tout seul. Mais je t'orgueilleux quand je t'avec toi. Ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que je suis pas clairé. J'ai pas géré, mon dédé. On t'éclaire pas, mon os. Reste ici, mon tabac. Reste ici. Allez, non, je peux pas. La Kalachnikov ne tient pas. Reste ici, mon os. Hey, dédé. Dédé, mon enfoir. Si tu me laisses, là, je vais les abandonner, moi aussi. Rien que les autres. Hein. Reste ici. Hey. Premièrement, là, offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Aujourd'hui, incrustons sur la surface écranique et surtout sonore un film. Ce film, Road to Graceland. Ce récit filmique se veut états-unien et réalisé en 1999 par David Kinkler. On improvisera après. Fiston, je vais te dire un truc. Cet engin est de loin l'une des plus belles voitures que j'ai vues durant toutes ces dernières années. Le modèle 59, surtout en cabriolet, est l'une des plus belles autos que Cadillac ait jamais produite. Gigantesque V8. Un engin qui doit développer dans les 345 chevaux. Wouh! La crème de l'Amérique glorieuse. Faut en prendre soin, car elle craint la chaleur. Et ça tape dur aujourd'hui. Ouais, c'est à taux. Hey, ça là, ça trappe trop dur à soir. Ça trappe trop dur aujourd'hui. Le soleil brille et s'interstice dans des sentiers qui devraient même pas coopérer. Une voiture! Mambaudouin, votre voiture va-t-elle bien? Elle va très. Mais c'est moi, au double tour, hein? Non. Vous, Madame Baudouin. Madame Baudouin. Oui. Vous, c'est pas au double tour, c'est à double amour. À double amour, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Monsieur Tremblay. Ah, oh, ben moi, là, moi c'est un vieux Pontiac 93. Comment? Un vieux Pontiac 93. Et puis, comment il fait? Il fait pas. Il ne part plus. Il est dans la cour et il se rejette. Il végète. Il végète. Comme le végétarien. Le végétarien végète. Le végétarien ne cherche plus rien. Et puis, depuis ce temps, qu'est-ce que vous faites pour vous mouvoir? Ben moi, j'ai ma chaise déroulante. Elle déroule? Elle déroule tant d'émotions et de chagrin et de passé que je me dis que c'est peut-être la fin. La fin de quoi? De cette errance rénaldienne. Vous avez bien mis. Alors merci, hein. Alors merci. Alors on va chanter là-dessus, hein, dans s'il vous plaît. Dormi promenant tout le long du verre bocage. Dit un blanc des promenants, je pense qu'on va au bocage. Dans mon chemin, j'ai rencontré le plus belle fille du village. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour. Chemin, j'ai rencontré la plus belle fille du village. Je l'ai pris par sa main blanche, la main sur le bel feuillage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour, peut-être qu'il y en aura un jour. Je l'ai pris par sa main blanche, la main sur le bel feuillage. Je l'ai pris par sa main blanche, la main sur le bel feuillage. Elle me dit si tu voudrais, tu m'aurais un mariage. Dans mon cœur, il n'y a plus d'amour.